Un chef de guérilla par Alexandre Jarry. Espagne, 1834. Chapitre 1er. Il faisait nuit. La ville de Valence tout entière était ensevelie dans le sommeil. Les lanternes s'étaient éteintes. L'obscurité était complète. Un silence presque effrayant régnait dans les rues désertes. Les cris des sérénoses qui passaient en troublaient seuls la monotonie. Deux heures sonnèrent au couvent des Dominicains sur la place de Santo Domingo. Alors, dans une des rues étroites qui avoisinent cette place, une lumière parut à la fenêtre d'une maison de simple apparence, sur la porte de laquelle on eût pu lire en grosses lettres le mot « Botelleria ». C'était une espèce de taverne où se faisaient de temps à autre de bruyantes et joyeuses parties. Bientôt après l'apparition de la lumière, 10 jeunes gens enveloppés dans de longs manteaux et marchant à pas de loup frappèrent à la porte. Une voix rauque de l'intérieur demanda « Qui est là ?»« Nous !» répondit un des jeunes gens à demi-voix. La porte s'ouvrit. Un homme à la barbe noire, aux épaules trapues, se présenta sur le seuil. « Que Saint-Roch préserve de la peste le seigneur Antonio. Combien êtes-vous ? » ?»« 10. Soyez les bienvenus. » Ils entrèrent. C'étaient 10 étudiants de l'université de Valence. Un habit noir en forme de juste au corps, un chapeau à large rebord, un poignard à la ceinture. Tel était le principal caractère de leur accoutrement. Ils déposèrent d'abord leurs manteaux sur les bancs, puis ils s'assirent autour d'une table, et l'un d'eux, s'adressant à celui que nous avons entendu appeler Antonio. « Eh bien, Antonio, que décider à présent ? Tu nous as donné rendez-vous à la taverne de Gregorio. Nous y voilà au nombre de 10. Qu'as-tu à nous dire ? Quel projet veux-tu nous communiquer ?»« Tout à l'heure, » répondit Antonio. « Du vin, maître. » L'homme aux épaules trapues obéit. La table fut bientôt couverte de bouteilles et de verres. Les bouteilles se vidèrent, les verres se remplirent. Les fronts, de sombres qu'ils étaient, devinrent joyeux. On parla amourette, histoire, politique, et tout cela confusément, sans ordre. Enfin, Antonio se leva, on fit silence. « Ami, dit-il, ne commencez-vous pas à vous lasser de la vie nulle et précaire que tous, tant que nous sommes, pauvres écoliers, nous menons à Valence. Ne trouvez-vous pas, en entendant à chaque cours, ces discussions sempiternelles à propos de rien ? Ces théories embrouillées où sont confondues pêle-mêle Dieu et les saints, l'anatomie et la religion, la botanique et la théologie. Ne trouvez-vous pas que tout cela ne nous procurera jamais d'autre avantage que celui d'une réputation de sophiste et de pédagogue ? Quant à moi, j'en suis là. Que ceux qui partagent mon opinion se lèvent. Les 9 se levèrent, il reprit. Eh bien, frère, il y a un moyen de relever nos intelligences engourdies, de redonner de la chaleur à nos âmes, que l'absence de toute noble sympathie refroidit. La patrie est là, souffrante et brisée. Notre pauvre Espagne se voit chaque jour en proie à la dévastation, à la guerre civile. Deux royautés se combattent aux dépens des peuples et de leur liberté. Marie-Christine ici, là Ferdinand, Don Carlos, formons une association contre l'une et l'autre de ces puissances. Que notre devise soit ni Christine ni Carlos, et notre cri de ralliement, liberté pour les terres d'Espagne. La voix d'Antonio avait alors quelque chose d'inspiré et de sublime qui enflamma le cœur des 9 écoliers. Ils se levèrent tous de nouveau, et d'une voix unanime ils s'écrièrent avec exaltation « Ni Christine, ni Carlos, liberté pour les terres d'Espagne !» Une patrouille passait en ce moment dans la rue. Elle entendit le cri qui venait d'être vociféré dans la taverne. Le commandant frappa à la porte. « De par la loi, ouvrez !»« Nous sommes découverts !» s'écrièrent à la fois tous les jeunes gens. Et l'exaltation fit place à une inquiétude sombre. Enfin, l'un d'eux dit à Antonio, « C'est à toi de décider. Que faire ?»« Nous défendre, » répond celui-ci avec fierté, « jusqu'à ce que nos mains ne puissent plus tenir le poignard. » Puis, s'adressant au tavernier qui tremblait dans un coin, ne sachant quel parti prendre, « Combien sont-ils, Gregorio ?» Gregorio alla regarder par une lucarne étroite et répondit, « 20 pour le moins. »« Chacun d'eux, alors, » reprend Antonio, « ce n'est pas trop pour des braves. » Et il ouvrit lui-même la porte. Les alguazils se précipitèrent dans la taverne. Les écoliers firent jouer la dague. On se battit dans les ténèbres. Pas un cri ne fut proféré de part et d'autre. Les écoliers, après une lutte de quelques minutes, parvinrent à se faire jour à travers la masse compacte qui garnissait les abords et se trouvèrent dans la rue libre de tout obstacle. La plupart étaient blessés, mais légèrement. Antonio les fit cacher dans un vestibule de couvent, puis, quand le jour fut venu, ils sortirent de Valence par la porte de Carte, et ils prirent la route du royaume de Murcie.